Mais t'as rien à faire. Ah. Oh, allô? Oh, allô, c'est Kalash. Ouais, je viens quoi? Wesh. En fait, DJ Jack il m'a passé une prod, il m'a dit de poser dessus. Ouais, si, si. Mais j'ai pas de thème. Bah, vas-y, je sais pas, on lâche une bombe. On saque une boîte code, tu comment? Bah, vas-y, viens, je passe au studio, puis on enregistre tout seul, tu vois quoi? Vas-y, vas-y, je t'attends. Vas-y. J'ai la rime qui te blesse, le flow qui te baisse. Tu veux test? Je le baisse. T'as voulu retourner ta veste, on va la tronger comme la peste. On t'empeste avec ton flow, mais tu crasses. Si tu veux, on grave tes sons, mais sur une cassette. Ton rap c'est de la merde, je vais rouler de papier de toilette. T'as voulu nous la mettre, mais on t'a reconnu. J'étais pas non, j'ai pas de pub pour les trucs du cul. Je nous a boycotté, t'es qu'un boycotté. Bois mouche face à nous, t'es pas du bon côté. Tu fais rire moi et toute mon équipe, juste ma. Sur le beat, t'as la trique, t'as le track. J'ai la tête qui te met des coups de matraque. Tu paniques, c'est ma clé qui te fout des grosses claques. Nous on bat les couilles, c'est du rap de rue, rap de tête. C'est du lourd, t'es deux R, personne ne sent là. T'es deux R, ça fracasse. Le rap, on dépasse, et les grosses putes, on tabasse. Ouais, jamais de son. On veut nous boycotter, on veut nous tester, on veut nous entuber. Ouais, jamais de son. T'es deux R, ça fracasse. Le rap, on dépasse, et les grosses putes, on tabasse. Ouais, jamais de son. On veut nous boycotter, on veut nous tester, on veut. Ouais, jamais de bon, ok, deuxième couplet, deuxième tuerie. Ton rap c'est de la poussière, j'en attrape une allergie. Retiens bien, c'est ma clé qui fait des clics et des claques. Check ça, j'ai la rime qui t'abat, qui te tabasse jusqu'à la fin du premier round. Sérieux, t'es trop bête quand tu sors la doudou. Ça joue le ouf alors que ça porte 10 kilos d'alter. C'est avec 80 kilos de pression que je t'envoie par terre. Tu veux test, tu te prends trop pour mes screen jacks. Mais oublie pas que ton matos c'est du micro-casque. Arrête le rap, t'es qu'une victime, qu'y en a le que tu gères. C'est dans le rap, le micro c'est pas fait pour sucer. Tu dis t'aides la cité, mais tu sors même pas chez toi. Wesh, tu crois dans le rap, c'est chacun pour soi. C'est pas un clash, mais un avertissement verbal. Jamais 203, retiens bien tes deux airs. C'est deux airs, ça fracasse. Le rap, on dépasse, et les grosses putes, on tabasse. Ouais, jamais 203. On veut nous boycotter, on veut nous tester, on veut nous entuber. Ouais, jamais 203. C'est deux airs, ça fracasse. Le rap, on dépasse, et les grosses putes, on tabasse. Ouais, jamais 203. On veut nous boycotter, on veut nous tester, on veut nous entuber. Ouais, jamais 203. Ok, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et gros gamin, t'inquiète, on n'est pas de mauvaise. Si tu t'avises à faire malin, moi je te casse tes reins. Flip ta place, mon dent comme sur un terrain. Non, je plaisante, c'est droite, gauche, droite, hypercute. Si t'as la tête qui flanche gros, c'est que je te percute. Persécute mon pote, tu veux test mystérieux. Les gars, follow, c'est plus une bouche que t'auras, mais une ventouse. Rien à foutre, qu'on se connaît depuis longtemps. Stop le rap, faut que te dise, t'as le flow, hey, bon. Tu veux nous mettre des bâtons dans les roues. On se trépate, t'es la preuve qu'il existe des jaloux. Gros balou, tu baises walou et mon rap tu savoures. Avoue que tu pues la merde comme Charles Aznavour. Ok, je précise qu'il en faut plus que ça pour nous arrêter. Faire sortir ta jalousie, c'est ce qui nous fait avancer. C'est deux guerres, ça fracasse. Le rap on dépasse et les grosses putes on tabasse. Ouais, jamais de son. On veut nous boycotter, on veut nous tester, on veut nous entuber. Ouais, jamais de son. C'est deux guerres, ça fracasse. Le rap on dépasse et les grosses putes on tabasse. Ouais, jamais de son. On veut nous boycotter, on veut nous tester, on veut nous entuber. Ouais, jamais de son. Ça fracasse, le rap on dépasse et les grosses putes on tabasse. Ouais, jamais de son. On veut nous boycotter, on veut nous tester, on veut nous entuber. Ouais, jamais de son. T'es deux R, ça fracasse. Le rap on dépasse et les grosses putes on tabasse. Ouais, jamais de son. On veut nous boycotter, on veut nous tester, on veut nous entuber. Ouais, jamais de son. Ça fracasse. Piano du pitching.